Une parole de Dieu pour toi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean au chapitre 8 et au verset 36. Avant de développer la pensée de ce texte, écoutons Maggie Blanchard interpréter son chant avec ce titre « Libéré ». Je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité. Condamnation. Jésus-Christ. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean, chapitre 8, verset 36. Une parole de conclusion donnée par Jésus aux Juifs religieux qui cherchaient à le contredire. Il avait dit précédemment, en effet, cette parole aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Réaction immédiate de ces deux auditeurs. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Réplique du Seigneur. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. En d'autres termes, on peut être de la descendance d'Abraham, ce n'est pas pour autant qu'on ait la foi d'Abraham. On peut dire aujourd'hui que être d'une famille chrétienne, ce n'est pas pour autant que l'on soit chrétien. Le problème, esclave du péché. Et dans ce domaine, personne n'est excepté. La Bible affirme que tous ont péché. Et tant que ce problème du péché n'est pas réglé, l'homme est mort spirituellement, séparé de Dieu. Seul Jésus apporte la libération, car il a payé le prix du péché en mourant sur la croix. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 15:3, « Christ est mort pour nos péchés ». Et l'apôtre Jean décrit cette parole dans son épître. Or, vous le savez, Jésus a paru ou a été manifesté pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 1 épître de Jean, chapitre 3, verset 5. Et l'apôtre Pierre de révéler, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Épître de Pierre, chapitre 2, et au verset 24. C'est donc de cette liberté que Jésus parle. L'homme libéré de son péché par la foi au sacrifice de Jésus sur la croix. La véritable liberté, c'est être libéré de l'esclavage du péché. Ami, as-tu cette liberté? Si ce n'est pas le cas, crois au sacrifice que Jésus a fait pour toi. Jésus a dit cette parole, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Cet amour de Dieu est aussi pour toi. Si tu crois de tout ton cœur, et si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, tu recevras le pardon de tes péchés et tu vivras la véritable liberté. Comme l'apôtre Paul nous écrit dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc c'est une vie qui qui vaut la peine d'être vécu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Par le sang de l'agneau, juste et sans défaut, tu m'as purifié, pour toi sanctifié. Pour moi en sacrifice, tu l'as regardé sur la croix clouée, et les yeux inondés, tu t'es détourné, la grâce a coulé. une parole de Dieu pour toi, un podcast de l'Assemblée de Dieu de Païta. Vous pouvez nous écrire à la boîte postale 124 98 890 Païta, Nouvelle-Calédonie. Dieu vous bénisse et à bientôt.